Il vint effectivement à Saint-Lazare, mais il lui échappa, malheureusement pour lui et pour moi-même, de me dire que Manon avait été enfermée à l'hôpital général, asile pour pauvres infirmes en même temps que prison de femmes. Je me jetai sur lui avec une si furieuse rage que j'en perdis la moitié de mes forces. Je l'étranglai lorsque le bruit de sa chute et quelques cris aigus attirèrent le supérieur et plusieurs religieux dans ma chambre. On le délivra de mes mains. Monsieur de GM rajusta sa perruque et sa cravate et ordonna au supérieur de me resserrer plus étroitement que jamais. Le chevalier, en racontant au supérieur quelques détails de ses aventures, réussit à s'en faire un allié. Mais le lieutenant général de police, sollicité, prévoit au moins 6 mois de détention. Desgrieux, sachant Manon à l'hôpital, veut s'échapper à tout prix. Il simule donc une complète soumission, mais fait appel à Tiberge, dont il compte se servir pour atteindre Lescaut. Le fidèle ami se rend aussitôt à Saint-Lazare. Notre entretien fut plein d'amitié. Il voulait être informé de mes dispositions. Je lui ouvris mon cœur sans réserve, excepté sur le dessein de ma fuite. Vous me revoyez tel que vous me laissâtes il y a 4 mois, toujours tendre et toujours malheureux par cette fatale tendresse dans laquelle je ne me lasse point de chercher mon bonheur. J'aime Manon. Je tends, au travers de 1000 douleurs, à vivre heureux et tranquille auprès d'elle. La voie par où je marche est malheureuse, mais l'espérance d'arriver à mon terme y répand toujours de la douceur, et je me croirai trop bien payé par un moment passé avec elle de tous les chagrins que j'essuie pour l'obtenir. Tiberge parut effrayé de ce raisonnement. Prédicateur, qui voulait me ramener à la vertu, dites-moi qu'elle est indispensablement nécessaire, mais ne me déguisez pas qu'elle est sévère et pénible. Établissez bien que les délices de l'amour sont passagères, qu'elles sont défendues, qu'elles seront suivies par d'éternelles peines. Et, ce qui fera perdre encore plus d'impression sur moi, que plus elles sont douces et charmantes, plus le ciel sera magnifique à récompenser un si grand sacrifice. Mais confessez qu'avec des cœurs tels que nous les avons, elles sont ici-bas nos plus parfaites félicités. Cette fin de mon discours rendit sa bonne humeur à Tiberge. Il convint qu'il y avait quelque chose de raisonnable dans mes pensées.